Chapitre 33, page 227. Exercice 5. 1. Antoine a commis de multiples vols. Il fait de la prison, il sort et il recommence. 2. En tentant de se défendre, le jeune homme a malheureusement tué son agresseur. C'est ce qu'a expliqué son avocat. 3. Iris est soulagée. Le procès lui a permis de prouver son innocence. 4. Gabriel est témoin du crime et il va pouvoir raconter ce que Jacques a fait. 5. La justice a estimé qu'il n'y avait aucune raison de faire un procès.